Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un roi aussi bon, aussi juste, aussi tolérant que Jésus-Christ. Lui, il est souverain suprême. Jésus-Christ est celui qui vient et qui ne persuade pas par la force. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ persuade les hommes. Moi, le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas appelé par la force avec une chicotte. Il m'a persuadé de le suivre par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il va faire. Et quand les gens vont vivre, voir que la vie avec Jésus est une vie de paix, de grâce, les gens vont suivre Jésus-Christ tranquillement. Mieux vaut être avec le Seigneur et vivre la paix. Et il a dit, quand ce temps sera manifesté, vous allez vivre dans votre pays une paix véritable, une sécurité véritable, une prospérité véritable. Ce que nous n'avons pas encore. Et c'est juste qui va l'amener. Vous avez dit que Dieu vous avait montré clairement qu'avant avant les élections du 23 décembre, qu'il y aurait un événement dans le pays. Il y a certaines personnes qui étaient prises des peurs. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Devons-nous fuir le pays? Y aura-t-il la guerre? Qu'est-ce qui va se passer dans le pays? Qu'est-ce que Dieu vous a-t-il dit? Il y aura un brusque événement. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sécurité, viendra une ruine soudaine. Soudaine. Il y aura un brusque événement. Il faut se préparer. Il faut être debout. Parce que tout ce qu'on veut faire, remplacer, faire la continuité du système Kabila par Ramazani, tout ça, Dieu n'en veut pas. Et créer une alternative par les opposants, Dieu n'en veut pas. Dieu veut un système messianique. Seul le temps est accompli. Parce que Dieu, par sa grâce, ne voulait pas brusquer Kabila. Il voulait Kabila, c'est lui-même, qui doit partir un jour. Il a fait. Et Dieu quitte. À ce moment-là, si les gens se choisissent, voilà, moi, nous choisissons tel monsieur. Ça, ce sont les hommes. Le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir. Et ils le savent. Vous savez, même au sein du pouvoir, même au sein de, autour du président, beaucoup de gens le savent, que le choix a été charnel, humain. Attendons le choix de Dieu. Et quand Dieu fait son choix, il impose. Maintenant, le Seigneur va s'imposer. Et pour le commun des mortels, comment Dieu peut-il s'imposer? Parce que nous avons un système bien établi. Parce que nous avons des institutions. Parce que qui va faire s'imposer? Pour eux, seul un coup d'état militaire ou bien forcing de la rue peut changer les choses. Ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Ça va bouger l'entendement de beaucoup de gens. Attendons, il y a un événement qui vient. Préparons-nous. Et je demande à tous les chrétiens, ceux qui veulent vraiment, ceux qui savent vraiment, et ceux qui le disent, de venir nous rejoindre et de commencer à prier. Comment justement doivent-ils se préparer à cet événement? Mais il faut commencer à prier. Abandonner la franc-maçonnerie, abandonner les fétiches. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Vous savez, moi, je vous l'ai dit, je parle avec pincement de cœur. Je ne veux pas, avec beaucoup de compassion pour la famille de gouverneur du Bas-Congo, Papa Mbag. Le jour qu'il inaugurait ces bâtiments-là, le gouverneur provincial, il a fait rentrer le président Kabila dans son bureau. Et dans son bureau, derrière son lui, il avait mis des idoles. Hein, c'est pas moi, des anges, des trucs, tout ça. L'idolâtrie pue. Et moi, quand j'ai vu ça, je dors la nuit, le Saint-Esprit dit, voilà cet homme qui adore les idoles. Vous allez voir ces jours-ci. Ça sera un exemple pour lui. Je veux les retirer de son monde. De telle façon que quand le président de la République regardait ses idoles, le président de la République un peu sourit, poliment, bon, enfin. Des idoles, c'est pas moi. C'est pas des anges, de tout ça. Des idolâtries. Tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, tous ceux qui sont dans la magie, vont rencontrer le Seigneur. Je vous le supplie par la compassion de Jésus. Je vous le parle. Je vous le dis, abandonnez la franc-maçonnerie, abandonnez la rose-croix, abandonnez tout ce qui est impur, abandonnez les forces malaises, les fétiches, parce que Dieu va raser complètement. Na ko beta na politique, na ko beta na ba pasteur. nakosambwisa banzambe na bino obomemi na kati na mboka nde na botong mai kokauka na kolokota ba faible bato bazanga kitina na kotelemisa bango pona bazwa kontrol ya mboka na bino eze sakoli pasteur na yokite akotaki na maji ayokite na lobby awa soko za na mai kekono na kati ya ndako osale la kanza meneke kotika parce que diweza koya soko za pe na musala ya comédie osimba mwa kisi na yo tika osala ka politique tantôt au trahir Congo tantôt au côté du Congo osala la majorité osala opposition biso to lobaka boye mboka etombwa makate pona ba politiciens baza mayele mboka etombwa maka pona bo respecter spiritualité na destin prophétique ya mboka na bino Congo azokota na destin prophétique ya ko diriger Afrique centrale Congo azokota na destin prophétique ya ko diriger Europe et puis Congo azozwa azokoma centre il y a explosion, il y a réveil spirituel dans les mondes. Non, il y a un mandat de la famille. Je n'ai pas eu l'élection, et je n'ai pas eu l'élection. La Bible est là. Dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Je n'ai pas eu l'élection, au Congo. Et ça va projeter à Kinya, mais il y a malheur. Ce qui est l'élection, et comme ma Kinya, mon cas, on a des animaux. À côté, on a l'élection. Mais ce qui, après l'élection, on a eu un peu de temps, et on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu l'élection. Ce qui a kandi yango a eu la génération traître. Génération traître, c'est banane. Et il y a eu beaucoup de majorité, il y a eu une opposition. Na y a eu un peu de corrompu, il y a eu un peu de temps, mais il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Or, génération, on a eu un peu de temps. Tant qu'on a eu peut-être que dans la élection, à quoi bimis a monté. Mais naïna kobanga mingi, naïko mouna malamouté liboso. Cette élection est aux alates. Naïko mouna mou pepe kaka ya koningi sa, mamboke koningi sa. Non, so yupe élection, c'est l'émité, mboula oem sou nzambende alingi na yete abi, il faut nga mouna bongo la maka menanzela, ya maponomite. Oebi maponomi, bato mingi bako kanisandeti maponomi yeko siri salikambo a Congo. Bato ba yeko bundisa Congo, eiba mindele. Bato ba yeko luka Congo panzana, eiba mindele. Bato bako luka Congo ezanga kimia eiba mindele bako sala nyonso bako sakana na bato na opposition ba ina bato na opposition bako sola na bango pona kobebisa Congo mais bango bako landaka mwa kanya kana ya muke ba pesiye e ina bato na kati na majorité bako tamuna bato libanda na tangelo mboka 4 onkolo abia kobeta to bandi na États-Unis d'Amérique ako kota makamba Congo ako denga ako tu apanza Congo toke na Grande Bretagne bako bundisa Congo likola ba matière première toke na France bako luka Congo panzana bako luka Congo zanga tina bako luka peuple congolais alongwa na Congo atika Congo toyi na 4e o ezali representant na bango nyonso wayi ko battre intérêt na bango ezali Belgique sikoyo bato babo asandiki bitumbea na kati ya mboka bitumbea ko sala malibanda bato wana ba décider ba sala mutu obenga na ningala mutu mutu na mboka yango kola yebise biso moto nyonso akopesa loboko na bato wana akotika la kosimba bokonzi na mboko yote moto nyonso akosimba kisi na kati na ye akosala bokonzi na mboko yote osimba makila okoleka te oyina makambo sala ya kisi olobi na miso na bato te okoleka te mo pepe koya mbule kokweya na komona banzete za kokweya na komona bato minene bakokweya nde na boye tolobi mapona mio bakokende biso abali bato na nzambe tolobi soke zelo konkolo alingi ekosalema mais sans que zelo ko komema bitumba pe désordre na kati na mboka nkolo akokanga yango mupepe moko ekoningana Congo kokoma lokola masuwa eza na moto akotambuza ngote omoni masuwa soke komo koningana na mai moto nyaso komo kolukana longenga na ye nenge nini akiba nenge nina zonga na biso tolobi zambe akobikisa makambo oyo mwana mboka ozolo ba esalinga yi mwako banga moke mwasi basi to mibali wani zaki Seigneur Jésus de Nazareth ye moko mwasi te mibali pe na zaki mune na robe melongi na ye na banda ya komona tena mona kaka forma mobali mais ça éclaire exactement ma case et comme ils sont ensemble là na mona ye sont ensemble là na mona ye après ko ye bisangana na mars aye bisinga ko ye ko bisanga makambuka ya ngande moko kaka aye bisanga lobi Congo na za déjà na moto na tia po na mboka na yo Congo président président ya mboka na yo Congo ko dirige Congo lokola David et là sambela kapo na mboka no Congo mwana yo pe na vina oyi idea ya Congo ezalaka te to ki parano na makamusu Congo kutuko na zaki na lota kangote na ukaka e mawe esukse ni wana Oh, ba combattant, ba résistant. Natala ananga. Mais on a tiabwe, l'autre kangote. Na souki cela wana. Abi singa ka bi keno, na Congo mboka no, na zana mutonga de na tia. Au dirigé Congo le quoi David. Au Simba ki cité, abi singa au Simba ki cité. Ela. Ba fois ma sote mutu ba tia ye. Ela. Ako ningi sa mokili. Alléluia. Ako zala mutu ali boso o ngamo ko nzambe. Na rotia au dirigé Congo. Amen maman. Mais na aim sango na yeba kite ke sala makan na yeba kite de koko male 27 yes out na bande ko sambela o bibilo ko abo komi sanga sensible bibilo ko abo mama ah yo so machi alo ba mama na bai na bande ko sambela na yo kimba moko na tela seigneur apparaître na kanda nyoso ande bisanga lobi Yebi sa peuple nanga avant le 31 décembre 2000 combien maman 2018 na oh abina avant le 31 décembre yes et venez me que salama na Congo na ko salango master ngai na yebi nanga kute makamunzo ke le kaso le 23 décembre tellement la landa makamba Congo te na yebi ti makamba Congo le 23 décembre yes yebi singa kak avant le 31 décembre na ko sala événement na Congo Sambe la kapona Congo. Tant que je suis en train de trembler. Je tremble. Je tremble. Je suis en train de peuple avant le 31 décembre. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me peuple congolais avant le 31 nabi na olobate. Seigneur Jésus, le quoi Zanzamba Monaka, aïe le souk ebisanga. Abina lobi, nao la tsu makambo nana osa na Congo avant le 31 décembre. Abando talisanga. Nabanjo mona, bando sambela. Nabanjo mona, quatre personnes moko voilà la vision. Nazo sambela bino mona vision. Voilà. Quatre personnes bako tena Congo. Abina mona, quatre personnes bako tena Congo. Baza les quatre êtres vivants. Bake kanga est, l'ouest, nord, sud ya Congo. Et là. Après, avec l'accent, nous avons quatre personnes nous sous. Ah, on zamba bon moi. Abina moni quatre personnes au moni par contre la Congo et Abina Bazaba les quatre commandos du ciel Bakiti pour la mokola les 31. Oh là là. Avec au père sans verset biblique. Abina ngai Zacharie chapitre 2 verset 4. Yé mon petit. A père sans amour. Abina ngaba kiti yebi sa peuple nanga. Cette fois-ci il faut ngai na n'a délivré Bangou. N'a pas délivré peuple haut. Plus de 12 millions de morts, maman. Ma femme violée. Ton lélie, ton lembi, maman. Ma sœur, n'a pas que si la qui. N'a pas que si li. N'a pas que si la. Ok. Ko bang la bisou de tout Zaka. N'a l'obéité. N'a mouni aïe l'issue soabi. N'a pas que si la peuple nanga. Ba fou kama ba sambe. O sala, tes ana l'axe l'issue. N'a yesu komona. Ba caméra 7 na Congo nga le 7 caméra o ezani na Congo abina nga 7 misu na nga e fixé na Congo ela na komo na ben hélicoptère moko donc ya guerre abina nga ben hélicoptère o e ko sala makam na Congo ko le ko ba char ya kabilo ya jamais jamais na komo na bato moko munene na fleuve Congo Abina nga lobi Zaina Sakoufi. Bana Congo bazo sambela. Yebi sa peuple nga Zaina. Tengelanga Atengelanga kombo Zaina. Abina nga Mobutu. Azoka demo moko komune Zahir. Oh là là. Ataka na Congo sku bandu. Komo Zaina en fait yomba pese ki Congo kombo Zahir. Yes. Abina nga Zaina Sakoufi. Azip tengo la ksanga batona na mon batie na fleuve Congo. Mbala moka lula kisanga na maya Kongo, na fleuve Kongo. Yes. Na mouni ngando moko, mena forme ya nguma pe. Yes. Aza ngando amemta nguma. Yes. Ayebi singa lobi, ozo mona oyo, eza ngando mounene, batia ki na mboka na mou levi atan. Meba bonde li na binu, esali ke akufa. Ela! Bangwana na yeko. Bido batu bochaka tembo nzamba yo kakate, mama, tika na cha komante. Soko ebi ko lelo, bisoto lela ka mama. Le 11 ao un jour li sous soir à 18h maman son ebiso batou ma jeune batou azo kota makamba Congo to lo baske nzamba yokaka te mama continue ya yokaka zoka nzamba yokaka Jésus yokaka ma sœur continue mama na ngai na zoka chair de poule Jésus. Il faut mutaza kana saint esprit comprendre makambo si on si. A dit ba tetu baza mais ana molimo na nzamba comprendre makambo mama lo ba mama na ngai après abina ngai yango na tie bato na ngana Congo yes na bandi komona ba cheval abina ngai lobi muto za sur place Abengi si basode bela kotisi. Yes. Asomba minduki, abomba na bakan, abomba par-ci par-là. Mais ba cheval o baza ba cheval de guerre. Minduki na ye. Eko koka kozwa cheval inanga mokoti. Wana kabila mama. Wana ye. Don zamba la kisi o ba char de combat na ba mercenaire o ya tondi sa na Congo. Ma sœur. Komoni ba bilo konyo stomu na o de guerre. Bazana o ya koleka Jésus te. Mama, kuna sukat. Baza. Eh bazan ngo ya koleka Jésus te. Abenga Éternel Dieu des armées. Amen. Ah. Amen. Zamba mpinga mama. Amen. Na ekomuna bato bazo kota na Congo ngala bi bato banani. Abina nga oyo zo mono oyo bato bakobunda mukolo ngo. Seigneur abandi ko yebisangai. Alléluia. Abandi ko sister ngabi yebisa peuple. Makambo eko salama na Congo e ke lengi sa monde entier. Oh là là. Bato bakokanisa za enlèvement mais eza enlèvement te. Les angais zambé. Pas avant décembre. Alors bien avant le 31 décembre. Qui s'amite, maman Nenette. Quand tu vas relever mes mamans, ma cambounignyo, yo maman. Amen. Yassou ma sœur, ma cambo, tout le monde qui est sur tout le monde là, là tu n'es au Seigneur. Yes. Là tu n'es pas Seigneur. Abi nanga lobi, ma cambo, oh zomo na batou nos zomo no. Et que ça la malakongo. Nazaki na malili na bandisi ko kobanga. Nabi me batuba abina nga batuba kufa ebele. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Abando bisanga makamna ba nando bisanga makamna. Apesinga ba vexé biblique na Zacharie. Abando pesanga makamna. Sophonie. Abina nga Sophonie chapitre 1 2 3. Abi eko sala mana Congo. Batu nga na tsaki lokwa ba prophète. Po ba yebi sa peuple. Bango ba prophétiser pona pouvoir. Alléluia. Ma sœur na boya ki kaka. Alléluia. Nous sommes na oti collège na zoya. Yes. Na yo kaka ka Seigneur bandoe bisanga na nzela lobi. Lokola yo zo boya. Ko yo bisa pepe na ngali kambu ba oluka. Ko yo ko za délivrer yo ko mona ngo. O mona libération Congo. Mais yo na famille na yo. Ba ko participer te. Oh la la. Oh la la. Mais ce que yo ko sala na bangi. Na lobi OK. Na ko yo bisa pepe na yo. Seigneur Abandé Bissanga, Yébissa Bangoli Soussou. Majorité n'a pouvoir. Président Kobimanakati Wanate. Oh là là, tu connais Babou. Tant que je bissanga, bon, à mon imouta, télé, ma lata qui propre, moi, la moubali. Alati ba chaussette, ba changer couleur. Abina, mon ba chaussette, changer couleur, oh, et sa majorité, opposition. Oh là là. Moutou, je mon azaïe moko, baza bango moko. Mutu moko te malama ko bimakati na bango. Donc mama nangai yo ebia weze mission Congo bololo. Donc opposition. Kozala ba Félix. Ba Martin Fayulu tozo benga l'homme du moment. Bango wana nyonso te. Te sene azomona bango te. Matata. Sene azomona bango te. Sene tanga zo bisanga bonga ebi singa ka lobi nanga ba sala loko na bango ko G7. Yes. Abina ngo moni 7 wana. Eza 7 vache gras. Lo yaka e. Gras. Abi za 7 vaches gras. Loyaka. Abi 7 vaches maigres. Et quoi qu'on met là-bas, nous. Oeza nga moko Jésus de Nazareth. Le roi de roi. Aibi singa le bilanga. Osuro lino ba kalikili yango. Kalikili one singa ke non Saint-Esprit sunga ba nan zambe bele. Jésus de Nazareth mtasale la yango. Abi nanga za 2018. Kabola. Yes. 2000 otia par. Ozu 18 otia par. Ozu 8 moins 1 est égal à 7. Yes. Sept wana ndeko ya komela sept ya jena bango oyo o basala G7 eza Genève ba wuti kokende Alors, 7 vaches, maigres, il faut bien qu'on mette la bango. Pour que l'on a poni mon touté, quand il y a la bango. Abin, on a changé 2000 ans de tikali. Yes. Premier jour, on a fait deuxième jour. On a fait troisième jour, on a ressuscité. Abin, 1000 ans, c'est le premier jour. 2000 ans, c'est le deuxième jour. 3000 ans, c'est le troisième jour, on a la résurrection. Abin, enlèvement, c'est seulement très très bientôt. C'est là que nous avons dit 2000 ans. Donc, comme on a 2018, donc, tu as sous 2000, tu as sous 2 jours, tu as sous 2 jours et demi. Tu as sous 3 jours, il y a enlèvement. Donc, il faut y aller comme ça, à Kita, à Longo, la Batoua, à Seti. Aza mout, oh, y a bon, y a pour la Congo, à Tia. Pour mout, oh, à Tia pour la Congo, yé. À Kobo, y a système, il n'y a pas de Samokili. Akoboya makamunyo sabatamu akotamu sakongo selon zambe po prophétie. Alléluia. Eko kisama. Amen. Malobi Congo za mabele ya zambe. Oui, c'est na singa bi prophétie fo kokisama. Ya mwana na poni bangote. Po bango so na tie bango bakolanda makambu batu o bayebisa bango. Po bayaka osenga pouvoir na bango awa. Ne hope. Menga zambe na pona mutoyo asengaka pouvoir pala atombola maboko likolo na tie pa dirije kongo monde entier ekotelemi na muto na menga nzambe na kolongisa ye ayebi singa lobi pourquoi pays na bino boloba kaka bo seigneur ayaki na valise na ye abuakaki na kongo abosanaka bina bosana te ngande munatia richesse neso mokili na kongo po kongo za israel Israël spirituel des Akongo. Abim bamboka o bino bozali. Batu ba okima. Ba okima ndenge nini. Po ba pesi so botanga internet bo mona pesi dije ko mozoama. Mais ezana nu obligatoire te. Yes. Ezo zo lingi na yo ke ina yo. Ozi na yo. Yes. Alors c'est même si na bi fune délivrer ko mo sikoyo. Po bana langi bolo ba zo mona makambu oyo. Mingi ba français, ba anglais, ba to baza ba te ba mboka o. Ba luke place ba kima. Alors place en ba kima za wapi? Congo. Comme que yamba ba ngo poto za na président kwa za chrétien. Nga lobi abo lobi na nga e. Yango makambu moko zo nyesa mana 2021. Abili kamo ke zo nyesa mana 2021. Me nga nzambe na lina delivre Congo siko. Po bana na nga bosa nini? Ba bima. Après, nous avons eu l'axangaï ndaku. Aningis, nous avons eu l'axangaï ndaku. Abi, nous avons eu l'axangaï ndaku à Beza, 5 continents. Mais nous avons eu 4 continents de tout le monde ndaku. 4 quoi ndaku. Abi, nous avons eu 4 continents. Yes. Nous avons eu l'axangaï ndaku. Nous avons eu l'axangaï ndaku. Afrique. Nous avons eu l'axangaï ndaku. Et bien là, je suis assemblé, mais je suis assemblé dans la na lingelité. Je suis assemblé dans la bisangaï. Abi suis assemblé dans la peuple brazzavilloise. Yes. Na kobi misa moutou moko na mboka na bango. Oh, donc la prophétie pe abraza. Oui, c'est moi qui s'en a dit. Bassambe la makasi. Maman, ça soit kende. Ça soit kende to lembi maman. Boba maman. Abi bassambe la makasi. Yebi sa bassambe la makasi. Na kobi misa moutou moko na mboka na bango. Tant qu'on a rebondi sa moutouana, Congo Kinshasa, na Congo Brazzaville, Bakozala, et Loko Moko, pour Bazaradia Bandeko. Voilà. Alors, Bakobundi sa Rwanda, na Angola, na Mabé, au Basala, qui Congo Kinshasa. Wana prophétie. Wana Zambé, pas évi que ba Rwanda, penda ba Nyoko la abiso, maman. Makasi. Et c'est là, Bande, vous savez. Mais ba Rwanda, wana pe Nzambé, boutake la bango, maman. Si. Ba Rwanda, wana pe ba Sambé la kape. Si. Si qu'on Nzambé, vous permettre. Bon, faut bien comment ma sœur. Ba Rwandais, bas appelle ba Rwandais chrétien, bas appelle ba Rwandais païen. Yes. Mais moi nous sommes ma bé et ne qui bien. Yes. Même bas appelle ba chrétien, nous sommes bas autres là, bas on l'est là. Yes. Bas on a la sauver, nous avons sauvé bas nous. Voilà. Voilà. Nous sommes dans beaucoup d'abus. Yes. Tous ceux là bas t'es bas sans bolaka. Yes. Mais tout le monde appelle ma bé et ne qui bien. Tant que c'est nous qui nous accosons la macam, et qu'on a surnaturel. Yes. Accosons la mo. Le but est que nous tenions sur le coup, mais battre B appel à bisi nga bato ebele bato ya kufa ko banana mwana oyo ataka sirage soki kaka ko yebi ba pese ke mwa poison mo kene ko tila muta kufa abeza ka politique te abi eza e ko kota l'église na ba famille e ke simba na politique tamo sana zobela nga bongo na omona mutazo tonga fondation yes. Abi na nga fana banda na fondation ya Congo pour enlèvement ça très très bientôt bak ba luka place au kima alors au kima na Congo Afrique na ko délivrer ngo soki na délivrer Congo na ko délivrer Afrique oh mais peuple brésilien insiste qui abi ba sambe là pour na ko kangola pe mboka na bango donc message c'est na pesenga et qui tellement moulai parce que nazaki obanga mais par sa grâce mais qui moi mki ko si ko président wa ko uta wapi mama awa we mission Congo bololo mama na nga ko uta azana Kinshasa azana Congo azana Poto oyebie bapia ki okombo ozana ba précision sur président yango ou bien zakaka ndenge tozo kakaka bon pour le moment précision. Pour le moment président wana tant na tuné sena bilanga ko moneto benge justice a otambo sa ko na justice ba précision Congo route à peu à côté de ce n'est pas le bilan aza kaka aza mais aza li banda ya Congo n'a dit c'est pourquoi pas abinan ma bela congo za mwindu et sa salité trop physiquement et spirituellement alors mouton on a poni ouais à coquille cause la wana te force la libanda à cela refuge na Egypte aza li banda congo mais beaucoup abinan mon consomme mon arotiaï. Aza opposant. Aza na bat opposant majorité. Na outil sur toute l'indécence na ibisenga. Et même mutango pe bon aza pe politicien te. Bon c'est là ibisenga ba critère nezabwe à cause le quoi David. Abina nga lobi aza soda. Aza pe muto abokola ba meme. Aza pe muto ayemba ka mingi na guitare. Aza pe muto alela ka mingi. Nde makamza ma ibisi. Nde makamsenera ibisinga. Mboko yebite mama. Mboka na ebite. Abina nga nakotia ye. Mais azande na kongote. Aza na kongote. Do aza libanda. Aza libanda. Aza na diaspora. Aza diaspora, ouais. Non, baza na diaspora. En tout cas, mama langai makambo yo. Siko yo, mama, événement oyo yo lobi avant le 31, et koza l'événement nini, bitumba, guerre, pe loko nini go salama pour la bandeko, oyo bazo landa biso mama langai, za nini, guerre, Kabila mutakobi misango communauté internationale ba okokate Kabila okobi misango te communauté internationale ba okokate sana ebi singa boye mboka na biso kongondenge za wana c'est kenda basenga makamba kongona ndotsa na ngo kate na ndomula ka sana ebi singa bina ngalobi na lobabo sambe la kapona mboka na bino poli pomboli na bino eza na mboka na bino c'est ça abina ngalobi boyena ba mboka oyo. Ba pesi bino kesso fele ba yibi bana bino education ba sai bino malamu. Te. Ba pesi bino bino kakolia. Ba botri bana bino santé. Ba botri bana bino bana no ba biko respecter bino te ba botri bino évangile ba sai bino malamu. Te abi nganza me mutina bimisa ki bino. Mhm. Makambo ale ko sala mabina nga ata ba sombi ba te mindu ki nesa mokili ba okokate. Tango na sambela sana azib sanga bi soki ba te na mai. Batse ba bateau de guerre na mai. Ngana za deja na bateau de bateau na ngana tia. Abina nga so ba telemisi belikopter ngana telemisi belikopter na likolo. Abi singa lobi makambo ne keza la somo na ne salamate e ke bangi sa mokili. Po mokili mo me bazoko yi ba Congo. Abina nga lobi atana mboka no bo sala soulèvement populaire. Boko kate. Pourquoi? Parce que ba tout nyo so mutle mtakanga parti na ye. Koto so bando sala. Koto kuna batu msu ba olembi sa surtout kongole mbongo ba futa mbongo alors foka kanga intervention na ngamo ko nzambe apa ndebu sanga bi yebi sa peuple na yo muto nyo surtout ning bat bazana diaspora ba kombata ba resistant abi o ya sale la ka abunde la Congo na kisi abwa ka kisa se repentir sote za batu pona kisi ne mobutu alinga kimati. Pour pas bien qui est roi Afrique. Ce qui est pour la consigne, pouvoir, na bateau, ne peut pas te séquer, dit, à l'ange, à la kibokondi. Pour y avoir quelqu'un qui va décider. Ça n'a pas décidé en les angas. Alléluia. Na yesi ko ko décidé. Alléluia. Pour na Congo. Galobi avant abinanga oui. Na salango. Abi na ko sala yango. Avant le 31 décembre. Galobi nanga bien avant le 31 décembre. Donc passe à Congo maman. Ezo sila avant le 31. Bon na kula ba passe à Congo sila avant le 31 décembre. On les a calendrier Nzambe. Na yebite, mais on a dit que non, c'est na yebite à Kolongo, la Kongo, la souffrance. Avant le 31 décembre. Souffrance, c'est dans le cas politique. Peut-être que c'est pas sa politique, non. Quand on a une église, église en Zambé. Parce que Congolais, c'est na yebite, c'est na yebite, c'est na yebite, c'est na yebite, c'est na yebite. Abina na yebite, bo sali, bo sali, ba sali. Jésus, namoni Jésus de Nazareth à Léli. Si vous voulez que vous soyez en langue, vous pouvez vous poser des questions en langue, maman. En langue. En langue, vous pouvez vous poser des questions. En langue. Vous parlez en langue, tongue, en anglais. En langue, jamais. C'est là que vous avez eu grâce. Son nom, son lanaye. Son nom, son nom, son normal. Son nom, son nom, normal. Mais ce qui est dit, c'est que nous continuons ensemble. Dans son nom, dans son nom, dans son tongue. Les suspects dans le lingala, mais lingala les amoukiers. Les soulingala les amoukiers. Ah non, yoka. Si comme maman pour battre moussous, balobi wana, prophétie na yo moutou moussous, assis à l'oba et angou, ce qui dans audio, ce qui nini, total amico et pasteur Bobo. Est-ce que ça. Ça a solo? Namonaki, namonaki, namonaki papa wana. Tant le papa na sali batine de l'engango. Yes. Pour toi, on a comme tout sanganaka, tout cela intercession. Pour cela, on a dit sanganou. Na consita, maman, tout ça, maman, fifias à Belgique, moi, ça passe très bienvenu. Tout cela intercession aïe. C'est là, on a dit sanganou, le bangan, on a dit, est-ce que t'en as total yango? Maman, fifias, bien, bien, moni, ma ram, sénat, aïe, c'est qu'il y a un sang à Congo. Au moni, ma ram, à moi, sénat, ma dame, sangabi, nazo, yébisa, yébisa, peuple, nanga. Ba, comprenez le qu'on a un sang à Congo. Bon. Donc, professeur, on a dit, là, et cocani alors. Ozo yo tala kango don na oyo ya yo na ya mutuane kokani alors na kule ba quelque sorte mais o nga na olo ba sene on tapese nga bon ye pele msu Jésus mtapesa ki na koko ta doutité. Listen to me, écoutez moi. I see the Lord coming. Je vis le Seigneur venir riding on a swift cloud. Monter sur une nuée rapide. Meaning he will not be late to arrive. Ça veut dire qu'il ne sera pas en retard d'arriver. Arrival is going to be on time. L'arrivée sera à l'heure. And he's saying, et il dit, when I look at his itinerary, quand je regarde son itinéraire, today is the 11th, aujourd'hui c'est le 11th, and I see the itinerary saying, et je vois l'itinéraire dire, Kinshasa, the DRC Congo. Kinshasa, la RD Congo. Alléluia. Alléluia. I see the Lord coming. Je vois le Seigneur venir. To Kinshasa. À Kinshasa. DRC Congo. La RDC Congo. The idol God of Kinshasa. Le Dieu idol de Kinshasa. They tremble. Ils tremblent. And they calm down. Ils tombent. Hey. Hey. Do you begin to understand? Et vous commencez à comprendre. Yes. Oui. Do you begin to understand what he has come to do? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Oh yes. Oh oui. He's saying. Il dit. And when the Kinshasans. When the Kinwa. When the Kinshasites. When the Kinwa. See how their gods have been brought down. Comment les dieux sont tombés? Their hearts. Leur cœur. Melting them. Va se fondre dedans d'eux. Hey! Hey! Hey! Hey! I don't know. Je ne sais pas. I don't know which idol gods you have here. Je ne sais pas quel dieu idole vous avez ici. But boy, mes enfants, they are all coming down. Ils vont tous tomber. That's why I am here. C'est pourquoi je suis là. They are coming down. Ils vont tomber. The gods of witchcraft. Le dieu de la sorcellerie. The gods of immorality. Le dieu de l'immoralité. The gods of lies. Le dieu de mensonges. The gods of money. Le dieu de l'argent. They are coming down. Ils vont tomber. And in this place. Et à cet endroit. Only Jehovah will stand. Il y a Jehovah qui va rester debout. From this day on. À partir de ce jour. Oh yes. Oh yes. But he's saying, mais il dit, that if Jehovah, si Jehovah, the God of Israel, le Dieu d'Israël, the Most High God, le Dieu puissant, is the God here, il est le Dieu ici. And then from today on, à partir d'aujourd'hui, Kinshasa, Kinshasa, Lubumbashi, Lubumbashi, Goma, Goma, Bukavu, Bukavu, everywhere, partout, we will worship Jehovah. On va adorer Jehovah. Finished. C'est fini. Only Jehovah. Seulement Jehovah. That's what he has come to find out. C'est pourquoi il est venu faire. Hey, hey. At one point, à un point, people, les gens, have to sort out. Ils doivent vérifier. To sort out. Ils doivent demander vérifier. To get correct. Avoir correctement. Their worship. Leur adoration. And today. Et aujourd'hui. We are getting it right. Sit down. Sit down. Nous sommes en train de l'avoir droit. Asseyez-vous. Today we are making some substantive decisions. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des décisions importantes. That will chart our path all the way to eternity. Nous allons vérifier nos voies jusqu'à l'éternité. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Mwihani vya havyanyu, muhinduke. Oh, tubuni zambi zenu, mubadilike. Weneye ebibibyo, osonyibwe. Oh, sinamehegi, jajaria, mabangwe. Omvendele fratere, sindero, pli forandret. Oh, erunu, enyipada kuroninu, eshe. All the nations hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed.